était une fois trois ours qui habitaient une petite maison au cœur de la forêt. Il y avait bébé ours, maman ours et papa ours. Dans la cuisine, chacun avait un bol à sa taille. Un petit bol pour bébé ours, un bol moyen pour maman ours et un très grand bol pour papa ours. Au salon, chacun avait un siège à sa taille. Une petite chaise pour bébé ours. Un fauteuil de taille moyenne pour maman ours. Et une très grande chaise pour papa ours. Et dans la chambre, chacun avait un lit à sa taille. Un petit lit pour bébé ours. Un lit de taille moyenne pour maman ours. Et un très grand lit pour papa ours. Un matin, quand la bouillie du petit déjeuner fut prête, maman ours en emplit les trois bols. Comme la bouillie était trop chaude, les trois ours décidèrent d'aller faire un tour dans les bois en attendant qu'elles refroidissent. Pendant qu'ils se promenaient, une petite fille, appelée Boucle d'Or, passa par là. Dès qu'elle aperçut la petite maison, elle alla vers la porte d'entrée et regarda à travers la vitre. Oh, je me demande qui peut habiter cette mignonne petite maison, se dit Boucle d'Or. Elle tourna le bouton de la porte et celle-ci s'ouvrit. Boucle d'Or entra sur la pointe des pieds. Dans la cuisine, Boucle d'Or vit les bols de bouillie sur la table. Comme elle avait faim, elle décida d'en manger un peu. D'abord, elle prit une cuillerée dans le très grand bol, mais c'était trop chaud. Ensuite, elle prit une cuillerée dans le bol moyen, mais c'était trop froid. Enfin, elle prit une cuillerée dans le petit bol, et c'était juste bien. En un instant, Boucle d'Or avala toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé tant de bouillie, Boucle d'Or eut envie de s'asseoir. Elle alla dans le salon et trouva les trois sièges. D'abord, elle voulut grimper sur la très grande chaise, mais elle était trop haute. Ensuite, elle essaya le siège de taille moyenne, mais il était trop mou. Elle alla donc s'asseoir sur la petite chaise, mais... La petite chaise s'écroula, dit Boucle d'Or. Oh, je crois que je ferais mieux de monter me coucher. Boucle d'Or monta, entra dans la chambre et vit le très grand lit. Il a l'air confortable, s'écria-t-elle. Mais le très grand lit penchait vers la fenêtre. C'était étrange. Boucle d'Or essaya donc le lit de taille moyenne, mais il penchait vers la porte. Alors, elle essaya le petit lit et il était juste bien. Il était même si confortable qu'elle s'y endormit immédiatement. Quelques minutes plus tard, les trois ours rentrèrent de leur promenade dans les bois. Ils avaient grand faim. Papa ours regarda son très grand bol et dit de sa très grosse voix « Quelqu'un a goûté ma bouillie !» Ensuite, maman ours regarda son bol et dit de sa voix moyenne « Quelqu'un a goûté ma bouillie ?» Alors bébé ours cria de sa petite voix pointue « Quelqu'un a goûté ma bouillie! Elle a tout mangé !» Les ours coururent au salon. Papa ours vit sa chaise et gronda de sa très grosse voix « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» Maman ours vit son siège et dit de sa voix moyenne « Quelqu'un s'est assis sur mon siège !» Bébé ours retrouva sa chaise et cria de sa petite voix pointue « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassé !» Vite, montons voir là-haut, dit Papa Ours. Quelqu'un s'est couché dans mon lit, grogna Papa Ours de sa très grosse voix. Et Maman Ours, en voyant son lit, cria de sa voix moyenne. Quelqu'un s'est couché dans mon lit. Et Bébé Ours vit son lit et cria de sa petite voix pointue. Quelqu'un s'est couché dans mon lit. Oh, et elle y est encore. La petite voix de bébé ours réveilla Boucle d'Or. Quand elle vit les trois ours, elle sauta du lit, dévala les escaliers, s'enfuit de la maison, courut dans les bois et rentra bien vite chez elle. Maman ours refit de la bouillie. Papa ours répara la petite chaise. Bébé ours regarda par la fenêtre. Il regrettait que la petite fille ne soit pas restée jouer avec lui.